Mais. Depuis un mois, cher exilé, loin de mes yeux tu t'en allas, et j'ai vu fleurir les lilas avec ma peine inconsolée. Seul, je fuis ce ciel clair et beau, dont l'ardente effluve me trouble, car l'horreur de l'exil se double de la splendeur du renouveau. En vain, j'entends contre les vitres, dans la chambre où je m'enfermais, les premiers insectes de mai heurter leurs maladroits élytres. En vain, le soleil a souri. Au printemps, je ferme ma porte, et veux seulement qu'on m'apporte un rameau de lilas fleuri. Car l'amour, dont mon âme est pleine, retrouve parmi ses douleurs ton regard dans ses chères fleurs, et dans leur parfum, ton haleine. François Coppée.